بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع محاضرة للعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله وحفظه، وبعنوان الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. avec une conférence son éminence Cheikh Rabi' hafidhahu Allah ta'ala, dont le titre est l'incitation à la fraternité et à l'union et l'avertissement contre les divergences et la division. فهذه محاضرة علمية منهجية تربوية نافعة إن شاء الله. C'est une conférence scientifique et qui traite de la voie à suivre, et c'est une conférence au niveau de l'éducation qui va nous être bénéfique, Inch'Allah. Al-Qaha Fadilatu Sheikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala wa nafa'a bih ala jam'in mubarakin min tullab al-ilm al-shar'i fi al-jami'at al-islamiyati fi al-madinati al-nabawiyya fi sanat 2005. C'est une conférence que son éminence, Dr. Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, a fait devant une assemblée d'étudiants en sciences de la législation à l'université de Médine, il y a quelques années déjà, en 2005. وَلَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ الْقَيْمَ جُمْلَةً طَيِّبَةً مِنَ التَّوْجِيهَاتِ الرَّائِعَةِ وَالْإِرْشَادَاتِ النَّافِعَةِ التي جاءت في وقت مناسب جدا ولله الحمد لترشيد مسار الدعوة السلفية المباركة التي نفذت إليها في الآونة الأخيرة بعض الأفكار الغريبة عنها والأنفاس البعيدة عنها. Et cette conférence est arrivée à un moment, au moment idéal, au moment où il y en a besoin. Et cette conférence contient beaucoup d'orientations et beaucoup de leçons à retenir. Et des orientations pour un petit peu rectifier la marche de la voie de ceux qui prennent la voie du puiseur d'Allah alayhim, qui est une voie bénite min Allah azza wa jal. Parce que ces dernières années, il apparaît des idées un peu bizarres et étranges qui commencent à s'immiscer dans l'esprit de certains qui suivent cette voie de ne plus erreur d'Allah alayhim. Et ces idées sont très loin de la voie de ne plus erreur d'Allah alayhim. Fazaz Allah au Cheikh Aba Muhammadin Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah khair al-jaza ala ma qaddama wa yuqaddimu min nusrat li hadi ad-da'wah al-maymunah al-mubarakah wa at-tariqah al-ma'munah. Et Allah subhanahu wa ta'ala récompense comme il se doit Cheikh hafidhahu Allah ta'ala, son éminence Aba Muhammad Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, pour tout ce qu'il fait pour cette da'wah et pour faire triompher cette da'wah, pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. Que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Fa ba'da khutbat al-haja yaqulu al-shaykh fa marhaban bikum ayyuha al-ikhwatu fillah wa ayyuha at-tullab al-kiram talabatu al-ilm al-sharif alladhina shaddu ar-rihal min amakin na'iya yanhalu al-ilm al-shar'i al-munbathiq min kitabillah ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهبط الوحي، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مهبط الوحي الثاني، هي المهبط الثاني للوحي بعد مكة المكرمة. Il dit, حفظه الله تعالى, après le discours d'introduction, il dit, bienvenue à vous, frères en Allah, nobles demandeurs de science, qui demandent cette noble science. Vous qui avez quitté, puisqu'il s'adresse à des gens, parmi eux, il y a presque 157 nationalités et plus. Donc beaucoup de gens, il leur dit, vous qui êtes venus de loin pour apprendre la science qui a attrait au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallam, dans la ville de la descente de la révélation, qui est la ville du prophète alayhi sallam, Médine, qui est la deuxième ville de la révélation, où est descendue la révélation après la Mecque. Cette façon d'accueillir les étudiants, c'est une façon, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui a sa preuve dans la sunna de Muhammad alayhi sallatu wassalam. Qadiyat al-tarhib, manhajun inda ahli al-ilm, wa sunnatun min sunan al-mustafa alayhi sallatu wassalam. Le fait d'accueillir et de souhaiter la bienvenue aux demandeurs de science, c'est une sunna. Hein? Et c'est une voie comprise aux puiseurs d'Allah Alim et les hommes de science. Comme il y a dans le hadith de Safwan ibn Assad, le Mouradi, radiallahu anhu, il a dit, « Ataitu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi al-masjid, muttaki'un ala burdin lahu ahmar, faqultu lahu ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Inni j'ai'tu atlubu al-ilm. فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. والحديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وليبشر الشيخ حفظه الله تعالى بتبشيره للطلاب ببشارة نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال إذا أتى الرجل القوم فقالوا مرحبا فمرحبا به يوم يلقى ربه. والحديث في السلسلة الصحيحة. فات cette façon, cette expression qu'a dit Cheikh bienvenue aux demandeurs de science trouve sa source dans les orientations dans les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Dans le hadith qui est dans Sahih Targhib, le hadith de Safwan ibn Usal, radiallahu anhu wa ardah, dit, je suis venu vers le prophète, alayhi sallatu wassalam, et j'ai dit, ya Rasulallah, je suis venu demander la science. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, bienvenue à toi le demandeur de science. Car le demandeur de science, les anges l'entourent de ses ailes. Et les uns se mettent sur les autres jusqu'à arriver au ciel de la vie. Par amour de ce qu'il est en train de faire, par amour au fait que cette personne est venue demander la science. Et ces chers Hafidhahullah Ta'ala et d'autres Aziz Shanshi, qu'ils s'attendent à la bonne nouvelle de leur prophète aussi, alayhi sallatu wassalam. Parce qu'il est dans un autre hadith, authentifié par Cheikh Nasr, rahimahullah Ta'ala, dans la chaîne des authentiques, quand l'homme vient vers les autres, et que les autres lui disent bienvenue, qu'ils s'attendent à la bienvenue le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Fa wallati intalaqat ay min al-Madina wallati intalaqat minha rayat al-jihad wal futuh li'la' kalimati Allah tabaarak wa ta'ala wa li nashr hadha ad-din al-haq wa li yadhhar hadha ad-din 'ala ad-din kullih kama qala tabaarak wa ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Et donc, ces étudiants qui sont à la ville du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est de là, de cette ville, on revient aux paroles du Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, où est parti les étendards, d'où est sorti les étendards du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la conquête, et pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et pour propager cette religion de vérité, qui est l'islam, et pour que cette religion puisse prendre le dessus sur les autres religions, sur toutes les autres religions, comme il est dit dans le verset, c'est lui qui a, c'est-à-dire Allah, qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et la bonne œuvre, la religion vraie, pour que cette religion prenne le dessus sur toutes les autres religions, même si les associateurs le détestent, malgré eux, cette religion prendra le dessus. ولقد أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام المخلصين. الله سبحانه وتعالى fait triompher cette religion. Il a fait apparaître cette religion. Il a donné la suprématie à cette religion par l'intermédiaire de ses compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et que Allah subhanahu wa ta'ala maudisse ceux qui détestent les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. ومن أعظم الأمور أخ الإسلام الذي تتميز به هذه الدعوة المباركة دعوة السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن أعظم ما يتميز به علماء هذه الدعوة المخلصون ودعاتها الصادقون إكرام صحابة رسول الله وحب صحابة رسول الله وإجلال صحابة رسول الله وتعظيم شأن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم وعليكم السلام. قال الإمام الطحاوي حب الصحابة إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إيمانهم حب الصحابة إسلام وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Et ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, que Allah subhanahu wa ta'ala maudisse ceux qui les insultent et ceux qui les diminuent, parmi les rawafid et shi'a de toute tendance, savoir que l'une des particularités de cette voie d'Al Salaf, radhiyallahu anhu, et l'une des grandes particularités des hommes de science de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est d'honorer et de respecter les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Et de leur prévoir la place qui sied à leur honneur et à leur sacrifice qu'ils ont fait pour cette religion. Qu'on déplaise à Rafida. L'imam Tahawi, rahmatullah alayhi, l'a dit, le fait d'aimer les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, c'est l'islam, c'est la foi, c'est l'ihsan. C'est l'islam, la foi, la perfection. Et le fait de détester les compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, c'est de la mécréance, c'est de l'hypocrisie et c'est dépasser ses limites. فصحابة محمد عليه الصلاة والسلام فتحوا القلوب بالعلم والهدى والإيمان وفتحوا القلاع والبلدان بسيوف الحق فنصروا دين الله تبارك وتعالى بكل ما يمتلكون من طاقة وبكل ما يستطيعون من بذل الأموال والنفوس. Les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam ont ouvert le cœur avant d'ouvrir les terres avec la science bénéfique et avec la foi. Après, ils ont conquis les citadelles et les pays avec leurs armes et avec, pour la vérité, pour propager cette religion de vérité. Inch'Allah, la prochaine fois que quelqu'un rentre dans une salle d'un foyer, qu'il ne fasse pas d'orgade. C'est une salle de prière, tout simplement. Ce n'est pas une mosquée. La mosquée, pour que, comme dit Cheikh Ibn Baz et autres parmi les hommes de science, pour qu'on y prie d'orgade, le tahiyyat al-masjid, il faut que ce soit une propriété du musulman qui ne changera pas. Ce soit une propriété du musulman qui ne va pas changer. Quant à cette salle-là, peut-être un jour il va devenir une salle de ping-pong, ou là une buvette, peu importe. Donc on ne sait pas. Donc, il n'y a pas lieu quand on y rentre, on s'assoit directement. Par contre, si quelqu'un veut prier une prière surrogatoire pour Allah, ça c'est différent. Il n'y a pas de problème. Donc les compagnons de Mohammed a.s.w. ont ouvert les cœurs avant les terres. Ils ont ouvert les cœurs avec la science bénéfique, avec la foi. Après, ils ont ouvert aussi les terres et les citadelles avec les épées de la vérité, les armes de vérité. Ils ont fait triompher cette religion d'Allah azzawajal, avec tout ce qu'ils possédaient comme énergie, comme puissance et comme moyen. Hein? Ils ont sacrifié leur personne, ainsi que leur fortune, et leur temps, et leur vie, pour cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَقَّقُوا الْغَايَةَ الَّتِي أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَذَا الدِّينِ أَنْ يَسُودَ وَأَنْ يَظْهَرَ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِذْ إِنَّ هَذَا الدِّينَ قَائِمٌ عَلَى الْهُدَى وَعَلَى الْعِلْمِ لَا عَلَى الْأَهْوَاءِ وَالْجَهَالَاتِ وَالسَّفَاهَاتِ وَالْفَوْضَى الَّتِي تَسُودُ الْآنَ فِي بُلْدَانٍ كَثِيرَةٍ ممن لا تقوم دعواتهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما تقوم على الأهواء إلا من سلم الله تبارك وتعالى. Et donc, ces compagnons de Mohammed a.s. ont accompli le but que voulait Allah Azza wa Jal pour cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les moyens et la force pour accomplir ce but voulu min Allah Azza wa Jal, qui est le fait de faire triompher cette religion. Et que cette religion prenne le dessus sur toutes les religions. Car cette religion, elle est basée sur la science bénéfique. Hein? Et cette religion n'est pas basée sur les passions, ni sur les ignorances, ni sur les situations insensées, ni sur l'anarchie. L'anarchie qui est monnaie courante maintenant dans certains pays. Dans certains pays où ne s'accomplit pas la da'wa selon le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed a.s. Mais la da'wa s'accomplit sur les passions, sur la raison, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a épargné de cette voie-là. ويقول الشيخ بما أن المحاضرة كانت في الجامعة الإسلامية يقول وهذه الجامعة الإسلامية بمسؤوليها وبمؤسسيها أدركت واقع المسلمين وما يعيشونه من جهل وبعد عن منهج الله الحق إلا القليل في العالم الإسلامي. Puisque la conférence était dans l'université de Médine, Cheikh il dit, cette université de Médine, ses responsables, ainsi ceux qui ont bâti cette université ont compris la situation dans laquelle sont les musulmans maintenant et l'ignorance dans laquelle ils baignent et dans l'ignorance dans laquelle ils pataugent et le fait qu'ils soient loin de la voie de la vérité, sauf peu parmi eux dans le monde musulman. Et Hadassé, ce passage-là te montre comment les hommes de science comprennent la réalité. Et comment ceux qui étaient à l'origine de l'université de Médine, comment ils comprenaient l'actualité et la réalité que vivait la communauté, contrairement à ceux qui les traitent de ne pas comprendre le waqi'a. Hada, c'est la compréhension du waqi'a. Quand tu sais la maladie dans laquelle baigne la communauté, qui est le fait d'être loin de la voie d'Allah, et de la voie de l'authentique, de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension des puzzles. Parce que c'est cette voie-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, qu'il a fait obligatoire pour le triomphe de cette communauté. Si on ne l'apprend pas, il n'y aura pas de triomphe de cette communauté. La communauté pourra se faire mener par des leaders dans différentes voies, dans différentes courants de pensée. Mais s'il ne revient pas à la voie de ses puiseurs, d'Allah alim, il n'aura que le massacre, la faiblesse, le déshonneur. Et on le voit. Combien de groupes existent maintenant? Combien d'idées ils essayent? Et quand ça ne marche pas, il revient, il se redonne une autre idée, une nouvelle idée, et il redémarre, et il rebelote. 10 ans, 15 ans, il faut changer, non, on s'est trompé. Alors que le médicament, il est simple, la voie des puiseurs doit Allah aller. Et on arrive au but. Et si on ne prend pas cette voie, on ne prend pas ce remède, on n'y arrivera pas. Et l'université de Médine a été construite pour ça. Que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits ceux qui ont été à la base de cette université. Et il est des Maghrébins qui vivaient là-bas, et qui est encore là-bas, qui est Cheikh Boubacar Jazairi, qui était à l'origine pour ouvrir la section d'arabe pour les non-arabes. Hein? Et de cette idée-là, de certains hommes, hein, tu as vu que maintenant, plus de 150 nationalités se retrouvent ensemble à étudier ensemble dans le salle, dans une salle de classe, tu te retrouves avec toutes les nationalités venant de différentes régions du monde. Hein? Tout ce qui est comme nationalité, tu peux le trouver dans une seule classe. Et après, certains disent, qu'est-ce qu'il fait l'Arabie Saoudite pour l'islam? Il a formé des douats, formé des hommes de science, ce n'est pas œuvré pour l'islam. Éditer le Coran, éditer un certain nombre de livres bénéfiques dans l'Aqida, il est distribué pendant le pèlerinage et pendant les Umrah, ce n'est pas œuvré pour l'islam. Envoyer chaque été des douats et des savants à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique pour faire da'wah pendant l'été, ce n'est pas œuvré pour l'islam. Par Allah, et soyez juste avec vous-même, vous connaissez un pays qui agit ainsi? Vous connaissez? Qui dépense pour da'wah ilallah azza wa jal, et pour la formation des du'at, et pour et envoyer les du'at à travers le monde? Montrez-nous-le. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Et après, ces minus d'Yal Khawarij et ces poussins d'Yal Tkfiriyun du monde moderne n'ont dans leur langue la mécréance de l'État saoudien. La mécréance des hommes de science de l'État saoudien. Les hommes de science de l'État saoudien travaillent pour le palais. Et ainsi de suite. Hein? Ça, ce sont des paroles. Ils doivent en rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Hein? Fansallah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tabat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yahfazana wa iyyakum min ash-shubuhat. Faqad ansha'at hadhihi al-jami'atu, unshi'at hadhihi al-jami'atu 'ala manahij islamiyyah sahiha, munbathiqatan min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa khussisa qadru أربعة أخماس المقبولين فيها ليكونوا من أبناء العالم الإسلامي وعشرون في المئة لأبناء بلاد الحرمين الشريفين لكي يعود أولئك الذين نفروا إلى مهبط الوحي ينهلوا من مناهل العلم الصافية ويعودوا إلى بلدانهم ينشرون هذا الحق وهذا الخير وهذا الهدى الذي تعلموه وربنا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Et cette université de Médine, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, a été basée sur des voies islamiques authentiques, dont la source est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager alayhi salatu wasalam. Et dans cette université a été réservée 4/5 aux étudiants qui viennent d'ailleurs. 4/5 des places est réservée aux étudiants qui viennent. Et tout simplement, 20% est réservé à la population saoudienne. Mais sinon, les 80%, il est réservé à ceux qui viennent d'ailleurs, d'Asie, d'Afrique, etc. Ils sont pris en charge, en tout. Ils ont une bourse. Ils ont un billet d'avion à chaque fin d'année pour aller voir les leurs et revenir. Hein? Et l'État saoudien ne demande rien au pays d'origine. Et donc, pour que ces gens qui sont acceptés et qui ont eu cet honneur, cette opportunité d'aller là-bas et d'apprendre là-bas, pourquoi après, pourquoi? Pour qu'ils reviennent chez eux. Une fois qu'ils ont acquis la science dont la source de la révélation, qu'ils reviennent chez eux propager la vérité. Et ça, c'est un grand bien. Et pour qu'ils propagent cette guidée qu'ils ont appris durant leurs années d'études là-bas à l'université de Médine. Et il est dit dans le verset dans Surat Tauba, et si certains groupes de chaque communauté partaient pour aller apprendre la religion et pour aller s'instruire dans la religion, pour qu'il revienne après vers les leurs, les avertir. Hein? Et leur enseigner. Hada, c'est le but. Et l'université de Médine a été construite pour ça. Hein? Et il est même plus que ça. Il y avait des étudiants qui avaient des idées tout à fait exceptionnelles et qui voulaient le bien pour leur communauté et qui voulaient ne dépendre de personne. Trois étudiants de, je crois, c'est les Philippines, si je ne me trompe pas, qui apprenaient à Médine. Hein? Et la bourse étant à peu près l'équivalent, ça ne dépasse pas les 300 euros hein, actuellement, pour la bourse. Et ces trois étudiants, deux ans d'arabe, plus les quatre années ou les cinq années dans une des branches, soit le dawa, soit le hadith, soit la législation, durant ces années-là, ils ont économisé sur leur bourse et leur économie, ils ont construit un centre pour accueillir les leurs, pour dépendre de personne. Hein? Trois étudiants. Pourtant, la bourse, il peut, il se suffisait de peu au niveau de la nourriture, et ils ont construit leur centre pour qu'après, une fois qu'ils ont terminé, ils rentrent dans leur centre à enseigner directement. Regardez les sacrifices. Ils nous baignent dans le confort, et dans le bienfait, et dans l'aisance, et on est avare de mettre sa main dans la poche pour la dawa, la dawa du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le tantique de la sunna, et la voix des prières d'Allah. Allez. Regardez. فهذه يقول الشيخ فهذه فرصة عظيمة لكم فاهتبلوها واقبلوا على العلم النافع الصافي الخالص مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مصادره متوفرة ولله الحمد عندكم في هذه المدينة وفي هذه الجامعة الشيخ de dire à ses étudiants, ça c'est une occasion, c'est une grande occasion pour vous. Profitez de cette occasion. Et apprenez la science bénéfique, la science pure, dont la source est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Car les sources et les bases et les références de cette science sont devant vous. Hein? Ils vous sont offerts. Ils sont nombreux là, dans cette ville et dans cette université. ومن يقول الشيخ ومن أراد الحق والخير لنفسه ولعشيرته وقومه وبلده فعليه أن يشمر عن ساعد الجد ويتلقى العلم من العلماء الموجودين الذين وهبوا أنفسهم لتعليم هذا الحق ونشره بارك الله فيكم الشيخ de leur dire hein, celui qui veut la vérité, qui veut le bien pour lui-même et pour les siens, pour son peuple et pour son pays, qu'il retrousse ses manches et qu'il apprenne comme il se doit, qu'il fasse des efforts d'apprentissage, qu'il double d'efforts pour apprendre, pour recevoir cette science, les hommes de science qui sont présents, et pour qu'après, ces hommes de science qui ont voué leur vie pour cette science, et pour propager cette science, et pour hein, la faire apprendre aux gens. Et il leur dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Yaqul al-Sheikh Hafidhahullah, وتعلموا من المصادر التي تحتوي على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة اقرأوا كتب التفسير السلفية التي قامت على تفسير كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين عايشوا نزول الوحي وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعايشوه وعرفوا مقاصد الكتاب والسنة هؤلاء الذين يتمسكوا بفقههم وحفظهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث عن تفرق الفرق وتحدث عن الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من كان على ما أنا عليه وأصحابي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Hein? Et il leur dit, Habibullah Ta'ala, apprenez dans les sources qui contiennent les croyances authentiques et les voix authentiques. Lisez dans les livres de l'exégète d'Al-Qur'an, l'interprétation d'Al-Qur'an, Salafi, hein? qui sont dont l'interprétation est accomplie. La parole d'Allah expliquée par la parole d'Allah. La parole d'Allah expliquée par la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah expliquée par les paroles des compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui ont vécu avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui ont vécu la révélation et qui savent les buts du livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Cela, on doit se comprendre. Vous devez vous comprendre, vous cramponner à leur compréhension. Hein, du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi sallam. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est authentique, que plus d'un nombre de sciences a fait authentique, quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a parlé des groupes et des divisions, il a dit, pour le groupe sauvé, il a dit, ceux qui seront sur la même voie, moi et mes compagnons, ceux qui seront sur la voie sur laquelle je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est-à-dire, pour être sauvé, dans ses croyances, dans ses adorations, dans les voies, dans son commerce, dans tout, il faut que tu cherches la voie de tes puisères d'Allah alim, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul le Cheikh Habidallah, Fafiqhu al-Sahaba al-Kiram li dini Allahi al-Haq, alladhi talaqahu min kitab Allah, wa min sunnati Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa min aqwalihi wa af'alihi, وتربيته وتوجيهه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مرجعا لنا وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فهذا وعيد شديد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين و ما لا شك فيه أن أول المؤمنين الذين يدخلون في هذه الآية هم صحابة رسول الله فهم الذين كانوا موجودين يوم أن نزلت هذه الآية على رسول الله donc فإن الله عز وجل la jurisprudence la compréhension des nobles compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام pour cette religion de la vérité celle vers laquelle il faut revenir. Car ils ont tout appris, ils ont appris le livre d'Allah, Azza wa Jalla, la sunna du prophète, des paroles directement de Muhammad, et des actes directement de Muhammad. Ils ont été éduqués et orientés par Muhammad. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous que leur compréhension, leur jurisprudence soit une référence pour nous. Hein? Et c'est eux les croyants qui sont désignés dans ce verset, dans Surat Nisa. Où le verset il dit, celui qui prend une autre voie que la voie du messager après avoir reçu la preuve et qui prend un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance et sa demeure sera l'enfer. Regarde le verset. Donc, il y a un avertissement sévère, un énorme avertissement pour celui qui prend un autre chemin que le chemin d'Allah et de son messager. C'était suffisant. Mais il a rajouté le chemin des croyants. Et quand ce verset est descendu, qui était là? Ni moi, ni toi. Ni les fondateurs de ces groupes qui existent maintenant. Mais il y avait Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les compagnons de Muhammad alayhi sallam, nous devons Allah alayhi. Donc c'est eux qui rentrent en priorité dans ce verset. Ça veut dire que le chemin que nous devons suivre dans notre religion, c'est leur chemin. Parce qu'il est dans le verset, il prend un autre chemin que le chemin des croyants. C'est-à-dire que tout chemin et toute voie qui n'a pas été pris par les compagnons de Muhammad alayhi sallam, ce n'est pas une voie de la vérité. Il ne peut pas être une voie de la vérité. Ce n'est pas possible. Il est décrété par Allah Azza wa Jal pour être dans la vérité. Et dans la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est que ce soit une voie dans laquelle tu as au début de cette voie-là les compagnons de Muhammad alayhi sallam. C'est une voie qu'ils ont pris. Sans ça, on est dans le fond. Hein? فانتبهوا يقول الشيخ فانتبهوا لهذا الامر العظيم pour nous la même chose il faut qu'on fasse très attention à ce niveau là فانتبهوا لهذا الامر وحرصوا على ان تفقهوا سبيل المؤمنين الذي استمدوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تزكيته وتربيته لهم على الكتاب والحكمة بارك الله فيكم il dit حفظه الله تعالى. Si ce message est adressé à eux, il est adressé à nous aussi. Il dit, faites très attention à cette situation. Et tenez à avoir la compréhension des croyants et à prendre le chemin des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce chemin et cette compréhension dont ils l'ont pris d'où ? Leur source c'était quoi ? Le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, l'éducation de Mohammed alayhi salatu wassalam et les orientations de Mohammed alayhi salatu wassalam qui les a éduqués avec quoi ? Le livre d'Allah et la sunna. فيقول الشيخ فهذه فرصة عظيمة لكم افهموا منها دين الله الحق واسعوا بكل جد في إظهاره على الأديان كلها بالحجة والبرهان. Il s'adresse à eux et leur dit, ça c'est une noble et une grande occasion pour vous. Comprenez cette religion véridique d'Allah Azza wa Jal et faites en sorte et utilisez tous vos moyens, toute votre force, toute votre énergie à faire apparaître cette religion sur toutes les autres religions. Avec la preuve. Avec la preuve. يقول الشيخ فعليكم بطلب العلم من منابعه الأصيلة من كتب التفسير السلفي ومن كتب العقائد السلفية التي تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لكم الفرق بين سبيل المؤمنين الصادقين وسبيل المبتدعين المبتعدين المفارقين لمنهج الله الحق فهم أي المؤمنون الصادقون والله أمناء هذه الأمة على دين الله عز وجل وعلى سلامة عقيدتها ومنهجها وعلى تثبيتها على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit حفظه الله تعالى. Il faut pas croire que ça s'est adressé tout simplement à ses étudiants, il est adressé à nous aussi. Il dit, comprenez-vous à la demande de la science. Mais cherchez la science dans ses références et dans ses sources authentiques qui sont les livres de l'interprétation de Salafi, du livre d'Allah. Et cherchez là cette science dans les livres des croyances du Salaf d'Allah alayhim. Parce que ces livres, leur source c'est quoi ? Le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces livres-là, cette science prise à sa source, va te montrer la différence qu'il y a entre le chemin et la voie des croyants véridiques et le chemin de ceux qui sont loin de la voie véridique et de la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Car ces croyants véridiques étaient les hommes de confiance pour cette communauté et pour cette religion. Hein? Ils étaient les gardiens et le protecteur de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a utilisés pour, comme gardiens et comme hommes pour propager. Ils étaient dignes de cette confiance pour propager cette religion. Que ce soit au niveau de la aqida, au niveau de la voix, ou là, au niveau des adorations, etc. Et ils étaient là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette opportunité. Il leur a facilité le fait d'ancrer cette voie qu'ils ont reçu de Mohammed alayhi salatu wassalam. ومن البديهيات عندكم أن الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعض على ذلك بالنواجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وعظ موعظة بليغة ذلفت منها العيون ووجلت منها القلوب فطلبوا منه أن يوجه لهم نصيحة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة موذع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله انتبهوا لهذه الوصية والسمع والطاعة وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il leur dit, Habibullah Ta'ala, et le message est à nous aussi, il est naturel pour tout un chacun qu'il est obligatoire pour nous de suivre le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam, et que nous devons nous cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. et que nous devons mordre dessus avec nos molaires. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cette exhorte forte aux compagnons, une exhorte qui a fait couler les larmes du compagnon de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Leurs cœurs ont frémi quand ils ont entendu cette exhorte. Ils ont demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam des conseils. Ils ont demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il les oriente. Il leur a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, à Rasoul Allah, peut-être que c'est l'exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux. Donne-nous des conseils à Rasoul Allah. Il leur a dit, je vous conseille le fait taqwa, le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut faire très attention à ce conseil et à ce testament du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est considéré par les hommes de science le testament de celui qui fait ses adieux, il l'appelle. Hein? Il leur a dit, il faut écouter et obéir, même si c'est un esclave qui vous gouverne. Et regardez, chaque fois que la communauté sort, il n'écoute pas ses gouverneurs, ses hommes de science et ses gouverneurs, il sort, il désobéit à ses hommes de science et à ses gouverneurs, c'est la catastrophe. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on sort de l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on sort du conseil de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est normal qu'on reçoit. Hein? Les exemples sont très nombreux devant vous. Hein? Et le dernier des exemples, l'Algérie. Plus de 20 ans de sang. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté les hommes de science. Parce qu'on n'a pas oublié à son gouverneur le massacre total. Des gens se sont fait égorger comme des moutons. Pour rien. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra parmi vous, verra beaucoup de divergences. Et regarde, c'est comme si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vit avec nous. Les hadiths du prophète alayhi wa sallam te prouvent la véracité de ses messagers alayhi wa sallam. Parce que tout ce qu'il a annoncé, il est arrivé comme il l'a annoncé. Les divergences, les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam ont vu la naissance des divergences. Ils ont vu la naissance des Al-Khawarij. Ils ont vu la naissance d'El Shia, ils ont vu la naissance d'El Qadariya, ils ont vu la naissance d'El Morji'a, ils ont vu la naissance de tous ces groupes, comme il l'a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on est dedans. On est dans un déluge de divergences. Ténèbres sur ténèbres. Hein? Et il leur a dit. Il leur a montré la maladie et le problème. Et il leur a donné le remède aussi. Celui qui vivra parmi vous, verra beaucoup de divergences. Comment en sortir? Hein? Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du Khalif, bien guidé, mordez dessus avec vos molaires. Hein? Et faites attention aux nouveautés. Aux nouveautés dans quoi? Pas dans la mondanité, aux nouveautés dans la religion. Hein? Car toute nouveauté dans la religion est une innovation et toute innovation est vouée au feu de l'enfer. Il leur a dit, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé. Est-ce que les khalifs, ils avaient une sunna différente de la sunna du prophète al-Sahm? Non. Parce que la fin, il en a fait que ce soit une cramponnée dessus. C'est une seule. Parce que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, hein, et tous les compagnons sont les khulafas de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de cette religion, n'ont rien innové dans cette religion. Ils n'ont fait que suivre l'héritage que leur a donné Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et en même temps, il les a avertis. Cramponnez-vous à la sunna. Il leur a montré qu'il y a quelque chose qui est différent de la sunna. Les nouveautés dans la religion. Qui sont très dangereuses. Et c'est l'égarement total. Hein? Et c'est l'égarement total. Fahadi al-mu'idatu akhal islam. Tashmalu al-wasiyata bitqwa Allah allati la budda minha. ولا تتمثلوا الا في نفوس العلماء الصادقين الصالحين كما في قوله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. Cette exhorte très forte et une norme contient ce testament et ce conseil qui est le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit Talq ibn Habib, taqwa c'est quoi? C'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec preuve, en espérant la récompense min Allah. Et c'est le fait aussi de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah. D'un côté, on met en application les ordres, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous. Hein? On espère la récompense d'Allah. On espère l'agrément d'Allah. Et de l'autre côté, on s'abstient de ce qui nous a interdit, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada c'est taqwa. Et taqwa a besoin de savoir. Tu es obligé. Il a dit avec preuve. La preuve c'est quoi? Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la spéculation. Ce n'est pas les dissertations à ne plus en finir. La preuve c'est قال الله قال رسول الله قال الصحابة الله هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صحابة وندي هذا سي لا بروف irréfutable. Et ce testament du prophète alayhi salatu wassalam, tu le vois mis en pratique par les hommes de science. Les hommes de science véridiques. Et ceux qui conseillent, qui sont d'un bon conseil et qui donnent les meilleurs conseils à cette communauté. Car il est dit dans le verset, certes, ne crains Allah parmi ses serviteurs que les savants. Abdullah ibn Abbas dit, ceux qui connaissent la ilaha illallah. Et ceci est très important. Parce que celui qui connaît la ilaha illallah, sa signification, ses piliers, ses conditions, ses obligations, il est évident qu'il va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour parfaire et accomplir notre attestation de foi, il faut mettre en application des choses qui sont les obligations de la ilaha illallah. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à Muhammad alayhi sallallahu salam, hein, dans surat Muhammad, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. S'adressant à Muhammad alayhi sallallahu salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et repends-toi de tes péchés. Avec quoi il a commencé? Avec le savoir avant tout. Le savoir avant tout. Avant les actes, avant la parole. Avant quoi que ce soit. Et cet ordre n'est pas tout simplement spécifique à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est pour toute la communauté. Donc il est obligatoire pour nous de s'occuper et d'apprendre la signification de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les obligations de la ilaha illallah, les piliers de la ilaha illallah, pour pouvoir mettre tout ça en application. Hein? Le but, ce n'est pas de mémoriser et de les réciter comme un perroquet. Le but, c'est qu'ils soient une réalité dans notre vie. Et on connaît des communs qui ne savent ni lire ni écrire, mais les conditions et les obligations de la ilaha illallah, ils les mettent en pratique. Et c'est ce qui évolue. C'est ça la science bénéfique. C'est la mise en œuvre. Et combien de certains te récitent les conditions de la ilaha illallah, les obligations de la ilaha illallah, ils ont des lacunes. Ils ne les mettent pas en application. Et dans ces cas-là, c'est une science qui est contre eux. Une preuve contre eux. Hein? Et c'est ce qu'il y a aussi. Hein? La science est quelque chose de très important. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, il a ouvert son livre, il s'appelle le livre de la science dans son authentique. Chapitre, la science, il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Il a commencé avec ça, le titre. Hein? Et le titre de l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'est la compréhension ou la voix de l'imam Bukhari. Tu veux savoir ce qu'il veut dire, l'imam Bukhari, dans tout le chapitre, lis le titre. Et tu sais ce qu'il veut. C'est sa voix. C'est hein, sa compréhension. C'est fait que le Bukhari, il est tout dans les titres de ses paragraphes et de ses livres. فيقول الشيخ حفظه الله فاتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة وتعلموا لتصلوا إلى هذه المنزلة لأن الذي يعلم العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة والأحكام والآداب والأخلاق النابعة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الذي يخشى الله عز وجل فإن التقوى تتحقق بهذه الأمور كلها. الشيخ بلغديه. Et la même chose, le message est adressé à nous aussi. Préservez les droits d'Allah. Car pour arriver à ce stade, c'est le moyen pour arriver à ce degré, c'est le fait de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et apprenez pour arriver à ce degré-là. Car celui qui maîtrise les dogmes authentiques et les croyances authentiques, et qui maîtrise les voies authentiques, et qui maîtrise les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les comportements dont la source, c'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, c'est celui-là qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car taqwa s'accomplit avec ces choses dont la source est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, non pas comme disent certains, nous devons donner la part du lion de notre temps à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَالدُعَاءُ وَالْعِبَادَةُ. Et à Allah appartient les sublimes noms. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala avec ces sublimes noms. Et du'a, c'est l'adoration comme il est dit dans le hadith. Hein? Donc ces noms, il faut les mettre en pratique. Il faut qu'ils deviennent une réalité dans notre vie. Quand il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, il sait tout, il sait ce que les pensées que tu as dans ton esprit, que ce qui chuchote dans ton cœur, tu ne fais pas ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu accomplis ce qu'il veut de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit là où tu es, où que tu sois, tu ne vas pas dans les endroits où tu ne veux, où tu n'aimerais pas, où Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu sois. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce que tu dis, tu ne vas pas prononcer. Quand tu le sais réellement, tu mets en pratique ce que ça veut dire Samir, le Basir, l'Alim. Quand tu le mets en pratique, Hada, c'est ce qui est voulu. Alors, ce n'est pas mémoriser les noms, etc. C'est les mettre, la réelle mémorisation, c'est les comprendre et les mettre en application, et qu'ils deviennent une réalité dans notre vie. Hein? Un déchirure dans la montagne, il avait plein d'élèves qui mémorisaient le Coran chez lui. Il voulait les tester un jour, et les élèves ne comprenaient pas pourquoi il aimait un, et c'est un-là, il est nouveau, il est plus jeune. Et c'est le plus jeune. Ils étaient un petit peu jaloux. Et Cheikh l'a senti, l'a compris. Il leur a dit un jour, tout un chacun de vous ira prendre un poulet et l'égorger quelque part. Ou Allah, il ne le voit pas. Certains sont allés dans les réserves souterraines de grains, d'autres sont allés dans des ruines, chacun est allé. Et tous ils sont arrivés avec leur poulet égorgé. Sauf ce petit jeune, il est arrivé, le coq vivant, dans ses mains. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as dit de l'égorger là où Allah subhanahu wa ta'ala ne me voit pas. Mais là où je vais, il me voit. Dans la réserve à grains, il me voit. En bas, dans le puits, il me voit. Partout, il me voit. Où est-ce que je peux ? Je ne peux pas. Et là, les étudiants ont compris que ce n'était pas l'âge et que s'il y avait quelque chose de particulier dans ce garçon, c'est sa compréhension des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui fait qu'il a cette place dans ses chers, hein, et cette valeur, et cette considération. وَمِنْ هَذَا الْإِدْرَاكَ خَلْ إِسْلَامِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ يَقُولُ الشَّيْخِ الَّتِي ذَكَرْنَا يَنْدَفِعُ الْعَبْدُ إِلَى تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وإلى خشيته ومراقبته في كل زمان ومكان وفي كل حال من الأحوال وهذا مقام عظيم وهو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. Il dit, partant de là, nous agissons ainsi avec ces choses que nous avons citées, il a dit Cheikh qu'il a cité, la personne, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala va être poussé vers le fait d'accomplir taqwa, vers le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et vers le fait de s'auto-observer et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala l'observe en tout lieu, en tout temps, dans toutes les situations. Et là, ça, c'est un degré très important et très élevé quand on y arrive. Et ça, c'est ce qu'on appelle le degré de la perfection, l'ihsan. Et c'est ce qu'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans les questions de Jibril, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Hein? Donc si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala te voit, comment tu vas être? Hein? Il est évident que tu vas l'adorer comme lui, il veut. Et non comme te le dictent tes passions. Et que tu vas être dans les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et non pas où toi tu veux ou là où te poussent tes passions. فيقول الشيخ هذا مقام الإحسان، أن يكون عند الإنسان يقين بأن الله يراه وأن الله يسمع كل ما يقول ويسمع نبضات قلبه وخلجات فؤاده وما تحدثه به وما تحدث به نفسه يعلمه سبحانه وتعالى ويسمعه ويرى حركاته وسكناته. اللي ساسي لا سيتياسيون دو لا بيرفيكسيون كل انسان الى لا سيرتيتود الله سبحانه وتعالى لو فوا لا ويلي اك الله سبحانه وتعالى اونتون سكي دي اك الله سبحانه وتعالى اونتون لي باتمون دو سون كور اي سكي سو دي ا لانتيريور دو سون كور et ce qui se chuchote dans son intérieur. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, l'entend, il le voit, il voit le moindre mouvement de la personne. Fa al-mu'minu al-haqq yu'azzimu Allah haqqa ta'zimihi wa yudriku annahu subhanahu wa ta'ala yasma'u kulla ma yaqul wa ya'lamu kulla ma yatahaddathu bih wa yuhaddithu bihi nafsahu wa anna lillahi كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Donc le réel croyant vénère Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. La réelle vénération, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce qu'il dit. Il sait tous, il chuchote en lui tout ce qu'il pense. Rien n'échappe à Allah azza wa jalla. Et qu'Allah, en plus de ça, comme il est dit dans Surat l'Infitar, Allah subhanahu wa ta'ala a des nobles scribes qui écrivent tout ce que la personne fait. Ils savent ce que la personne fait, ils l'écrivent en plus. Tout ce que tu fais est écrit. فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الشُّعُورِ النَّبِي فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ حَصَلَ عِنْدَهُ مَلَكَةُ التَّقْوَى الَّتِي يَجْتَنِبُ بِهَا الْمَعَاصِي ويجتنب بها الشرك والبدع والخرافات ويحصل له مقام الإحسان لأنه يراقب الله ويستشعر بأن الله يراه ولا يخفى من أمره على الله قليل ولا كثير ولا مثقال ذرة. Et quand ce sentiment se trouve chez quelqu'un, ce noble sentiment se trouve chez le croyant, ben il va avoir cette capacité qui va lui permettre d'accomplir taqwa et de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il va arriver au stade d'imiter la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner de l'associationnisme, de s'éloigner de l'innovation, de s'éloigner des histoires à dormir debout. Il va arriver au degré de la perfection. Car il observe, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et il fait très attention à ce qu'il fait. Et il sent et il sait que Allah subhanahu wa ta'ala le regarde à tout instant. Et que rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que rien n'échappe de la situation, de sa situation n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la grande chose ou la petite chose, le moindre petit atome n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe. Imagine, toi tu vis dans une maison, yak, et tu as des habitants aussi avec toi, comme des fourmis, au fin fond de la maison. Et tu ne sais même pas, tu n'entends même pas leur bruit. Ces fourmis, au fin fond de cette maison, dans le sous-sol de cette maison, Allah subhanahu wa ta'ala connaît leur nombre. Il entend leur bruit. Que tu entends même, tu la vois, tu n'entends même pas le bruit qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Et Allah subhanahu wa ta'ala prévoit à toutes ces bêtes, il y a toutes ces petites créatures, leur subsistance, et toi tu ne sais même pas. Hein? Et combien même, derrière la porte là-bas, il y a des gens. Et qui parlent. Tu ne sais même pas combien ils sont. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Hein? Et si avant que ça apparaisse, et avant que ça se fasse, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, là où nous sommes, cette rencontre est déjà écrite. Avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et tout ce que tu feras, tout ce que tu as fait, et tout ce que tu vas encore faire, il est déjà. Allah subhanahu wa ta'ala le sait avant. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الإحساس الرفيع وهذا الشعور النبيل يدفع المؤمن إن شاء الله إلى تقوى الله ولا يصير هذا إلا من يعلم العقائد الصحيحة والأحكام الصحيحة من الحلال والحرام ويعرف الأوامر ويعرف النواهي والوعد والوعيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين استحقوا الثناء من الله تبارك وتعالى فقال فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc ce sentiment, ce noble sentiment, ce sentiment très élevé pousse le croyant, Inch'Allah, dit Cheikh, vers le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il n'arrive à ce stade-là que celui qui connaît les croyances véridiques et authentiques, et qui connaît les sentences et les lois authentiques, et qui connaît ce que c'est que le halal, ce que c'est que le haram, qui connaît les ordres, et qui connaît les interdictions, et qui connaît les promesses d'Allah, et le châtiment d'Allah, et les avertissements d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les connaît d'où ? Du livre d'Allah, et de l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ce sont ceux qui méritent cette description d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il est dit dans le verset, certes, ne craint Allah que ceux qui savent. Et c'est eux qui méritent ce verset, qui rentrent dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru à des degrés. Mais ceux qui ont la science sont élevés encore plus haut. فيقول الشيخ فحرصوا أن تكونوا من هذا الطراز أي أن تجمعوا بين العلم والعمل وذلك وتمرة العلم الصحيح وتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته. الشيخ دير يسي تني أشغني فو أتخ دو سيت كاتيغوري لا كي كخان الله كي سي كي كوني سا غوليجيون يسي Et tenez à réunir entre la science et l'œuvre. Et ça, l'œuvre, c'est le fruit de la science authentique. Et le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'observer. يقول الشيخ فعليكم أيها الإخوة بتحصيل الإيمان الصادق الخالص والعلم النافع والعمل الصالح وقد قال ربنا جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ دي il faut assembler de frères que vous acquériez la foi véridique et la foi sincère et la science bénéfique et la bonne œuvre. Et il est dit dans le verset, par le temps, l'humanité, c'est-à-dire l'espèce humaine, tout entière est en perdition. L'exception est faite à qui ? Sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre, ils se sont conseillés mutuellement la vérité, ils se sont conseillés mutuellement l'endurance et la patience. يقول الشيخ فالإيمان الصادق إنما يقوم على العلم وعمل الصالحات لا ينبثق إلا من العلم والدعوة إلى الله لا ينطلق بها إلا أهل العلم والصبر على الأذى بارك الله فيكم مطلوب لمن علم وعلم ودعا إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ de nous dire, la foi véridique s'accomplit sur la science. La bonne œuvre, sa source, c'est la science. Le fait de faire da'wa, son point de départ, c'est la science. L'ignorant, il ne lui suffit pas d'être da'i إلى الله عز وجل. Il faut qu'il apprenne. Et l'endurance et la patience sont demandées à celui qui a appris, qui a mis en œuvre et qui fait dawa, il lui demandait de patienter et d'endurer pour Allah Azza wa Jal. فيقول الشيخ فكونوا من هؤلاء الذين يعلمون ويؤمنون بهذا العلم ويدعون إلى هذا العلم والإيمان ويصبرون على الأذى في سبيل إيصال هذا الحق والخير إلى الناس فإنه لا بد أن يواجه المؤمن الداعي إلى الله من الأذى ما لا يخطر بباله وما لا يرتقبه. Et il dit, حفظه الله تعالى, soyez parmi ceux qui apprennent, ceux qui ont le savoir et qui croient en cette science bénéfique et qui appellent avec science et avec la foi et qui endurent et qui patientent pour le mal qui va leur arriver sur le champ d'Al-Dawa et sur la voie de transmettre cette vérité et ce bien aux gens. il faut qu'ils endurent et qu'ils patientent. Car il est obligatoire que le muslim, que le croyant qui prêche et qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui arrive des épreuves. Il peut lui arriver des choses auxquelles il ne pense même pas. Et il doit endurer, il doit patienter. Il va entendre des paroles. Il va entendre plus que ça. Sinon, dans certains cas, il va être même frappé. Mais il doit patienter, endurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas lâcher. Il ne doit pas baisser les bras. وَلَا يَسْتَعْجِبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ دَالِكَ فَإِنَّهُ قَدْ أُوْدِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ خَيْرُ خَلْقٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءِ وهم الرسل الكرام صلوات ربي وسلامه عليهم وقد أوذوا أكثر منا وابتلوا بعداوة أشد الأعداء أكثر منا وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل وقوله صلى الله عليه وسلم ما أوذي أحد ما أوذيت في الله ها إيه Le croyant ne doit pas s'étonner, ne doit pas trouver des situations étranges. Car le fait d'être éprouvé et d'encaisser le mal et de recevoir les mal de la part des gens et d'être maltraité sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur le sentier d'Yad Dawa, les meilleurs de l'humanité ont été éprouvés. Ils ont subi un grand mal plus que nous. Ce sont les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été éprouvés avec par des grands ennemis. Voilà. Plus que nous. Et ça, c'est ce que nous fait comprendre la parole du prophète alayhi sallam qui dit, ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et après les vertueux, et après les meilleurs et les meilleurs. Tout un chacun qui est meilleur dans sa foi, etc., sera éprouvé. Et aussi la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit, personne n'a été maltraité et a subi ce que j'ai subi. C'est le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, a subi plus que tous les autres prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a subi plus que tout ce qu'a subi les autres prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Lisez la biographie du prophète pour se rendre compte. Il a subi au niveau psychologique. Tu comptes toute une communauté en face de toi et tu dis tu es un menteur. D'ailleurs, regarde ton copain dans la rue ou là au pied de ton immeuble, il te dit tu es un menteur, tu ne sais plus où te mettre. Tu deviens rouge, tu ne sais plus. Tu gonfles, tu chauffes. Tout va sortir de son orbite, de ton corps, tu ne sais plus où tu es. Imagine toute une communauté. Il y a Mohammed alayhi salam. Tu es un poète, tu es un menteur, tu es un sourcil, etc. Et les meilleurs ont subi ça. Parmi les hommes de science, comme Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, certains se sont permis de le traiter d'homosexuel. D'autres se sont permis d'être l'agent de, comment on appelle, avec la Khabarat Sayouniya, comment on appelle ? Non, Mossad, l'agent du Mossad, ils l'ont traité. Les meilleurs de la communauté subissent. C'est obligatoire. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils endurent. Un jour, un des élèves dit Cheikh Nasr était attristé un petit peu. Et Cheikh Nasr le regarde. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il a dit, ils ont dit de moi, ils ont crié. Il dit, ce qu'ils ont dit de toi que tu es homosexuel, ton cher, ils lui ont dit. C'est tout. Stop. Pourquoi tu t'attristes? C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ تَمَسَّكَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَى إِلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْذَى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فَوَطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى الصَّبْرِ يَا أَخَ الْإِسْلَامِ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Donc celui qui se cropone au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'authentique de la sunna du prophète et qui appelle vers le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, il est obligatoire qu'il soit éprouvé et qu'il soit maltraité des fois. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il faut que tu te prépares psychologiquement pour la patience et pour l'endurance. Car il est dit dans le verset, ceux qui endurent, ceux qui patientent, reçoivent la grande récompense sans compte. Les patients ont leur récompense sans compte. Pas de limite pour la récompense de ceux qui endurent, qui patientent. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَأَسَّى بِأُولِي الْعَزْمِ وَأَنْ يَصْبِرَ فِي مَيْدَانِ الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ فَقَالَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام a aussi l'ordre d'Allah Azza wa Jal de prendre comme exemple les prophètes, les messagers doués de ferme résolution. Et qu'il doit, dans le champ de Da'wa, et du combat sur le sentier de l'Allah, il doit endurer, patienter comme l'ont fait les prophètes doués de ferme résolution. Et il est dit, le message que lui adresse Allah, le verset dans la traduction approximative nous dit ceci, et patiente, ya Muhammad, patiente, comment patienter et endure, comme endurer ceux qui étaient doués de ferme résolution parmi les prophètes, parmi les messagers. Et ne te presse pas. Ne sois pas pressé. Wa alaykum salam. Wa lana fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa fi anbiya'illah jami'an uswatun hasanatun. Fa rasul umira an yaqtadiya biman qablahu min al-anbiya' wa an yahtadiya bihudahum wa nahnu ma'murun bi an nahtadiya bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa an nata'assa bihi alayhi salatu wa salam. Et nous avons un exemple dans le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala tous, nous avons le meilleur des exemples, il est sublime exemple, et le seul modèle que nous devons suivre, ce sont ceux-là. Les gens trouvent des modèles dans le foot, dans le sport, etc. Mais nous, le seul modèle que nous avons, et le véridique modèle, et le plus sublime des modèles, c'est en Muhammad alayhi salatu wassalam et les autres prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad alayhi sallam de suivre le chemin des autres prophètes. Et nous, il nous a été ordonné de suivre Muhammad alayhi sallam et de le prendre comme exemple alayhi sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ شَامِلَةٌ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنَ الشُّؤُونِ الَّتِي جَاءَ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة في عقيدته فنعتقد ما كان يعتقده المصطفى عليه الصلاة والسلام وأسوة في عبادته فنعبد الله مخلصين له الدين متبعين ما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Il est dit dans le verset, vous avez le meilleur des exemples dans le message d'Allah. Pour qui? La réponse vient de Allah Azza wa Jal. Pour ceux qui espèrent en Allah Azza wa Jal, qui espèrent la rencontre d'Allah, qui espèrent la clémence d'Allah, qui espère l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui croit en le-delà, et qui espère la réussite dans le-delà. Ceux-là, leur seul exemple, et leur unique exemple, c'est qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce noble exemple, c'est notre exemple dans tout. C'est un exemple général qui englobe toutes les facettes de notre vie. Au niveau de nos croyances, nous devons avoir les mêmes croyances, et en croire en ce que a cru Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est notre exemple dans les adorations. Nous devons réserver notre culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir les actes d'adoration selon la voie sur laquelle il les a accomplis Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa uswatun kadhalika fil akhlaq al-azima allati qad yafqaduha kathirun min ad-du'ati ila Allah tabaraka wa ta'ala. ويفقدها كثير من الشباب وينسى كثيرا منها وكلها بعض الشباب فإن الله مدح رسوله عليه الصلاة والسلام المدح البالغ والثناء العاطر، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. Et aussi, ça doit être notre exemple dans le comportement et dans la noblesse du caractère. Et le comportement, cher de nous dire, beaucoup de du'at n'ont pas le comportement. Et beaucoup de jeunes n'ont pas le comportement. Et beaucoup parmi les jeunes oublient beaucoup des comportements. Et certains oublient presque tous les comportements. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge à son messager alayhi salam, une énorme éloge, une sublime éloge, en disant de lui, certes, tu es sur le plus noble des comportements. Hein? Et ça, nous devons faire très attention à ça, frère, en Allah. Le comportement est quelque chose de très important. Des fois, da'wah se fait avec ton acte. Si tu es digne du comportement du prophète, alayhi salam, de ce que te dicte ta religion, les craintes, regarde, tu ne parles même pas. Ton comportement parle pour toi. Et nous avons des exemples dans les compagnons de Mohammed alayhi salam. Ils sont arrivés en Asie, où ils ne parlaient même pas le langage. Les gens se sont convertis dans l'islam, rien par rapport au comportement. Les premiers compagnons de Mohammed alayhi salam qui sont arrivés là-bas. Hein? Le comportement maintenant, si le jeune malheureusement fait défaut, hein? Même entre eux, ils ont toujours le regard crispé. Bah, arrêtez de manger trop de riz et déconstituez-vous un petit peu. Prenez des laxatifs, un peu du jus de d'abricot, là, un peu de jus de pruneau. Hein? Un sourire de temps en temps ne fait pas de mal à ton frère, aux darons que tu rencontres dans les mosquées, aux gens. Qu'est-ce que ça te coûte? Et c'est une aumône pour toi, l'islam. Hein? Le comportement est quelque chose de très important, frère en Allah. Avec le comportement, tu arrives aux hautes sphères du paradis, à côté de ton messager, alayhi salatu salam. Rasulullah sallam m'a dit, ceux qui seront proches de moi, le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un noble comportement. Hein? C'est obligatoire pour nos frères en Allah. Notre religion nous enseigne. Hein? Et avec le comportement, on arrive à faire tomber des montagnes. Et le mauvais comportement fait fermer toutes les portes. Et avec le comportement, tu arrives à n'importe quel cœur, il se radoucit devant le comportement. Hein? Et le mauvais comportement ferme les portes qui sont ouvertes, il les ferme. Hein? Il faut faire très attention à notre comportement. Fait da'i l'Allah, wa talibu l'ilm, wa l'mouajje, wa l'mourshid, كلهم يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. فإذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها. بارك الله فيكم. الشيخ دو سادغيسي à ses étudiants en sciences législatives, hein, en sciences de religion, on dit Da'il Allah, celui qui prêche vers Allah Azza wa Jalla, et le demandeur de science, et celui qui oriente, hein, tous ont besoin de prendre l'exemple dans la personnalité de Mohammed alayhi salatu salam, dans la aqida, dans la voix, dans le comportement. Et quand ces situations sont complètes chez un da'i, ou sont proches d'être complètes, sa da'wa va réussir sans aucun problème. بإذن الله عز وجل سدعوة دونغا سيفخوي إيه سلداعي ونجيسون عسي ونطن ونشيخشون الإكزامبل صون الإكزامبل سي محمد عليه الصلاة والسلام دون سدعوة دون سون كومبورتمون دون تو دونك سدعوة إلا إيفا لا بريزونتي دو لا ميور دي فاسون دو لا بلو بيل دي زيماج إيه سافا دوني سون فخوي إيفا إتر أكسبتي من الله عز وجل. وإذا خلى الداعي في أمور دعوته من الأخلاق الكريمة التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها أشياء أخرى، وهي أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فذلك نقص باد في دعوته وعليه فلا بد أن يستكملها. إسي celui qui prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait da'wa, dont sur le champ de la da'wa, n'a pas un bon comportement, il n'est pas patient, il n'a pas la sagesse, il n'est pas indurant, il n'est pas doux, hein, et autre chose, s'ils ne sont pas présents, qui sont des choses obligatoires, quand on fait da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, que demande la da'wa des messagers alayhi sallam, demande qu'on soit doué de patience, qu'on s'arme de patience, qu'on ait la sagesse, qu'on ait le bon comportement, hein. Et quand la personne, hein, n'est pas complète à ce niveau-là, ben il est évident que sa da'wa diminue. Sa da'wa va se ressentir dans sa da'wa. Il est obligatoire pour lui de se compléter à ce niveau-là. وقد يغفل عنها كثير من الناس وهذا يضر الدعوة السلفية ويضر أهلها. إذ الغفلة عن هذه الأخلاق وتقديم تلك الدعوة إلى الناس بطريقة يكرهونها وبها يستبشعونه وبما يستبشعونه ويستفضعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شاكل ذلك يعوق الدعوة وقبولها فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلاً عن أمور الدين. Et beaucoup de personnes sont insouciantes de ce cas, de cette situation. La patience, le comportement, la sagesse, le fait d'être doux dans ce qu'il fait. Et ça fait très mal à cette da'wa de ne plus être d'Allah alayhim. Et ça fait très mal aux gens, aux adeptes de cette da'wa. Salafiyya qui est la da'wa du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension de ne plus être d'Allah alayhim. Et le fait d'exposer cette da'wa, hein, de la mal exposer, et de l'exposer avec d'une façon que les gens vont la détester, et d'une façon dans laquelle il y a la sévérité, hein, il y a la dureté, cela va être un obstacle pour que cette da'wa soit acceptée min Allah Azza wa Jal. Et ça, la sévérité, la dureté, hein, le mauvais comportement, sont déjà détestés dans les choses mondaines. Qu'est-ce qu'il en est dans la religion? Encore plus. C'est pour ça que Cheikh Nasr, rahmatullah alayhi, n'arrêtait pas de répéter. « La tutqilu hadha al-amr bisou'il khuluq. » Rabbuna qal, « Inna sanulqi alayka qawlan taqila. » C'est pour ça que Cheikh Nasr n'arrêtait pas de dire, quand dans ses orientations, il disait aux du'at et à la jeunesse, « N'alourdissez pas cette da'wa, plus. » Parce qu'il est dit dans le verset, « Nous allons te donner, nous allons te jeter quelque chose de lourd. » Hein? Donc le comportement est quelque chose de très important. La sagesse est quelque chose de très important. Et quand on ne sait pas patienter, on ne sait pas endurer, on reste chez soi. Quand Cheikh Mohamed Amal Jamil Rahimahullah, il faisait l'explication de l'usul talata, quand il est arrivé au sabru ala al-adafi, et le fait de patienter, endurer sur le champ de l'Tawa, il a dit, celui qui ne sait pas patienter, il ne s'occupe pas de da'wa, il reste chez lui. Parce que celui qui ne sait pas patienter va faire plus de mal à la da'wa qu'autre chose. Hein? Il va être un obstacle par son comportement. Et par son manque de patience, il va être un obstacle pour les gens. Et les gens, à cause de lui, vont refuser la vérité. Hein? T'imagines? Les gens, à cause de lui, à cause de son comportement, à cause de son manque de patience, ils vont se détourner de la vérité. Et qu'est-ce qui est voulu par Da'i et par qu'est-ce qu'on veut? C'est que les autres viennent vers la vérité et qu'ils soient aussi comblés des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا بد لطالب العلم أن ينتهج نهج الأخلاق الصالحة في الدعوة. Donc, il appartient à celui qui demande de la science qu'au niveau de la da'wa, qu'il ait un comportement digne. Hein? Et un comportement noble dans sa da'wa. وعليه فينبغي عليك أيها الأخ أن تقتدي بالآثار الواردة في طريقة الدعوة إلى الله وذلك بأن تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدرس أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتدرس عقيدته وتدرس منهجه عليه السلام. Partons de là, frère en Allah, عز وجل الشيخ de nous dire, il est obligatoire pour toi, frère en Allah, que tu prends l'exemple dans l'héritage que t'ont laissé hein, dont tu jettes un regard sur l'héritage dans la voie du da'wa de Mohammed alayhi sallallahu sallam, en étudiant la biographie du prophète alayhi sallallahu sallam, en étudiant le comportement du prophète alayhi sallallahu sallam, en étudiant les croyances de Mohammed alayhi sallallahu sallam, ou en étudiant la voie de Mohammed alayhi sallallahu sallam. C'est là où tu vas puiser tout. Le comportement, la sagesse, la patience, etc. Si on regarde comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a agi dans les différentes situations. Si notre source, elle est là. فبعض الناس يقول الشيخ لا يأبه بعقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. الشيخ de nous dire, certaines personnes ne donnent pas l'importance aux croyances de Mohammed عليه الصلاة والسلام ni à la voie qu'a pris Mohammed عليه الصلاة والسلام. Il prend d'autres voies au niveau des croyances, il prend d'autres voies au niveau de la voie à suivre. Hein? Des voies qui ont été innovées par Shaitan et ont bilé à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a dit tourner. Ce sont des voies des gens de l'innovation, des gens qui suivent leur passion et des gens qui de l'égarement. Wa unasun qad yuwaffaquna al-akhd bil-aqidati walakin yudayyi'una al-manhaj. Il y a d'autres personnes qui vont être accomplies à avoir une bonne aqida. Mais ils vont négliger le manhaj, la voie. Et la voie est très importante. Wa alaykoum salam. Wa unasun qad yuwaffaquna lil'aqidati wa lil'manhaj. Walakin fi sulukihim yudayyi'una al'aqidata wa yudayyi'una al'manhaj. Yakunu ma'ahum al-haq. Aqidatun sahiha wa manhajan sahihan. Walakin sulukahum wa uslubahum fi ad-da'wa yaqdi 'ala ad-da'wati wa yadurruha. Et d'autres gens, Allah subhanahu wa ta'ala va les accomplir. Ils vont avoir une bonne aqida. Et une bonne voie. Avancez, barakallahu fikoum, pour les salat. Et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala va les accomplir. Ils vont avoir une bonne aqida, des bonnes croyances et une bonne voie. Mais dans leur comportement, ils vont faire mal à leur aqida et à leur voie. La vérité est avec eux. La aqida, les croyances authentiques, est avec eux. Le ménage authentique est avec eux. Mais leur comportement, et leur façon de faire, et leur style, dans da'wa, détruit da'wa. Hein? Ceci, hein, est très important à faire attention à tous ces niveaux-là. Fahdharu ikhwat al-islam min mukhalafati al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi aqidatihi fi manhajihi في دعوته وعليكم أن تتعلموا كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة والصبر والحلم والصفح والعفو واللين والرفق وإلى أمور أخرى إلى جانب هذه. Faites attention, خوان الله عز وجل, ne soyez pas en divergence avec le messager عليه الصلاة والسلام dans ses croyances, dans sa voix au niveau de la da'wa, et apprenez comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens vers cette religion. Et prenez les orientations du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit au niveau de la hikmah, la sagesse, la patience, l'endurance, le fait de pardonner, le fait d'être doux, et autre chose. Tout ça, vous devez le puiser dans les orientations du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et dans la biographie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. استوعبوها يا إخوان واعلموا أنه لا بد منها في دعوتنا الناس لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل من جوانب الأخرى أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جانب أخرى فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها. Nous devons bien comprendre cette situation, frère Allah عز وجل. Et sachez qu'il est obligatoire dans notre da'wa, dans notre façon de faire da'wa, dans la façon d'appeler les gens, de prendre le modèle de Mohammed alayhi sallam à tous les niveaux. De ne pas prendre une partie de l'islam, un certain aspect de l'islam, et de négliger les autres aspects de l'islam. Ou de mettre de côté certains aspects de la voie de la da'wa du prophète alayhi sallam. Hein? Parce que ceci fait du mal à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fit du mal à la da'wa et aux gens de la da'wa. Et là, فوالله ما انتشرت هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويطبقونه قدر الاستطاعة فنفع الله بهم وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم par Allah, cette da'wa bénite min Allah Azza wa Jal, qui est la da'wa de nos puiseurs d'Allah alayhim, n'a été propagée en ce siècle proche de nous et dans les autres années passées et les autres siècles passés que par l'intermédiaire de savants sages qui avaient en face d'eux et entre leurs yeux la voix de leur prophète alayhi salam. Et ils mettaient en application selon leur capacité cette voix de leur prophète alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala leur da'wah a été bénéfique grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant la voix de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et cette da'wah bénite min Allah azza wa jal qui est da'wah salafia a été propagée à travers le monde et connue à travers le monde à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et nous tous réunis ici, cette jeunesse, tous, tu crois on est les fruits de quoi? Ça c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal avant tout, mais c'est, et puis, l'effort de ces grands hommes de science, qui sont, commençons par, l'imam Mohamed ibn Abdelhab il y a deux siècles, et en avançant petit à petit, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Ibn Badis en Algérie, Cheikh Taqiyuddin Hilali au Maroc, Cheikh Al-Albani, Cham, et ainsi de suite. Cheikh Mokbil au Yémen, Moubarak Fouri en Inde, et ainsi de suite. Tu crois que c'est quoi? On est le fruit de la da'wa de ces sages hommes, de ces hommes de science, qui ont porté sur eux ce fardeau lourd, qui est le fait d'appeler vers le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, avec la voix et la compréhension de nos puiseurs d'Allah alayhi. Rien ne vient du vide. Il y a eu des efforts d'hommes pour qu'on arrive à ce stade-là. Qui pensait qu'en Europe, il y aurait des jeunes, alors que durant l'époque coloniale, on essayait de combattre la langue arabe à travers l'Afrique du Nord, à travers partout. Qui pensait que des jeunes vont sortir d'Europe pour aller apprendre à Médine, pour aller apprendre l'arabe, maîtriser l'arabe, être des imams, et ainsi de suite. Qui le pensait? Tout le monde pensait tuer la langue arabe pour tuer la religion. Ainsi agissait le colonel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur fait sortir de chez eux. La naissance aussi de cette da'wa naîtra chez eux. Et ceci va de pair avec le verset qui dit, pour faire apparaître cette religion sur toutes les religions, malgré, même si les associateurs et les mécréants le détestent. Fafi hadil ayyam. C'est l'heure. On va arrêter là, Inch'Allah. On reprendra après Salat al-Maghrib, Inch'Allah. Subhanakallah, wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا